Chapitre 10. Monsieur Longuet nous en raconte une bien bonne sur Monseigneur le Duc d'Orléans, régent de France, sur Monsieur Lot, contrôleur général des finances, et sur la courtisane Émilie. Était-ce parce que je foulais cette vieille terre que j'avais connue, parce que je me retrouvais dans cette forêt amie parmi des feuillages familiers? Était-ce l'effet d'une longue conversation suggestive sur le vieux monde et sur les vieilles gens? Tout à coup, je sentis naître en moi le souvenir. Mais un souvenir très doux, comme vous revient l'attendrissant souvenir de jeunes années que l'on croit à jamais perdues, ensevelies dans la mémoire. Et alors, je vis que j'étais la même âme, car je me souvenais de Cartouche, comme si nous n'étions pas séparés par 200 ans de mort. Oui, j'avais une même âme, une longue même âme. À un bout, il y avait Cartouche, et à l'autre, Théophraste. Je me souvenais donc. Ceci me prit tout à fait quand nous eûmes dépassé le mur à gauche, vers le nord, en nous enfonçant toujours davantage dans la forêt. Nous nous assîmes à un prochain carrefour, au pied d'un gros arbre fourchu, sur l'herbe verte. Mes yeux brillaient du feu extraordinaire de la jeunesse en regardant ces lieux, et je commençais en ces termes. « Adolphe, mon ami, il faut que je te dise qu'à cette époque, ma fortune était complète. J'étais redouté et aimé de tous. J'étais même, Adolphe, aimé de mes victimes. Je les dépouillais si galamment qu'elles s'en allaient ensuite par la ville chanter mes louanges. Je n'étais pas encore entrepris par cet épouvantable instinct sanguinaire qui devait, quelques mois plus tard, me faire commettre les plus grandes atrocités. Tout me réussissant, tous me craignant et tous m'aimant, j'étais heureux, enjoué, d'une magnifique audace, somptueux en amour, du meilleur caractère et le maître de Paris. On a dit que j'étais le maître de tous les voleurs. Ce n'était qu'à moitié vrai, car il me fallait partager cette souveraineté avec Monsieur Lot, contrôleur général des finances. Notre gloire fut à son apogée dans le même temps. Je n'en étais point jaloux, car souvent il me payait tribut, lui et ses gens. Mais il imagina d'exciter le régent contre moi, un soir que j'avais volé chez lui, dans son hôtel, sur les indications d'un laquais, à Lord de Dermot, qui y était venu pour traiter d'affaires 1 300 000 livres d'actions du Mississippi, de la ferme des tabacs et de la Compagnie des Indes. Le régent fit venir M. d'Argenson, garde des Sceaux, et lui dit qu'il avait 8 jours pour me faire arrêter. M. d'Argenson promit tout ce qu'on voulut, pourvu qu'on lui laissât reprendre le chemin du couvent de la Madeleine du Trénel, où venait de se réfugier sa maîtresse, Mademoiselle Husson. 8 jours plus tard, M. d'Argenson était encore au couvent, non plus avec Mademoiselle Husson, mais avec la supérieure, de qui il disait qu'il y avait, dans une seule cuisse de la supérieure de la Madeleine du Trénel, 2 demoiselles Husson. Moi, mon cher Adolphe, pendant ce temps, je vaquais à mes petites affaires et je commandais sans souci à mes 3 000 hommes. Nous étions au mois de septembre. Les nuits étaient belles et nous profitâmes de l'une d'elles pour pénétrer chez l'ambassadeur d'Espagne qui habitait rue de Tournon, l'ancien hôtel du maréchal d'Ancre, celui-là même qui fut occupé depuis par la garde de Paris. Nous nous introduisîmes dans la chambre à coucher de sa femme, nous emparant de toutes les robes, d'une boucle ornée de 27 gros diamants. On dirait, mon cher Adolphe, que tout ceci s'est passé hier. D'un collier de perles fines, de 6 assiettes, de 6 couverts, de 6 couteaux et de 6 gobelets en vermeil. Quelle chose, mon cher Adolphe, quelle chose incompréhensible que le phénomène de la mémoire. Nous roulâmes le tout dans une nappe et nous nous en fûmes souper chez la belle Hélène, qui tenait, tu te le rappelles, le cabaret de la Harpe, rue de la Harpe. Vraiment, vraiment, vraiment, je ne puis comprendre pourquoi je t'ai dit « tu te le rappelles », à moins que, dans mon esprit, tu ne me représentes un ami que j'avais, et qui était aussi bon que toi, et que j'aimais comme toi, et qui s'appelait « Va de bon cœur ». Avec Madeleine, dit Beaulieu, c'était mon favori. Ah, par les tripes de Madame Falaris, c'était un beau et brave jeune homme. Il était sergent aux gardes français et lieutenant chez moi. Car il faut te dire, mon cher Adolphe, que je commandais à un nombre considérable de gardes français. Lors de mon arrestation, à laquelle devait procéder M. Jean de Courtade, sergent d'affaires de la compagnie de M. Chabannes, aidé de 40 hommes, on vit aussitôt 150 sous-officiers et soldats aux gardes français s'enfuir et passer aux colonies. Historique. Ils craignaient des révélations. Ils redoutaient que je ne les vendisse. Ils avaient tort, car la torture ne m'a pas fait parler. Mais fuyons ces moments funestes pour revenir aux belles nuits de septembre où nous procédions en gaieté au déménagement des Parisiens. Le régent montra plus de colère encore contre moi et contre M. d'Argenson quand il sut la triste aventure de l'ambassadeur d'Espagne. Songe maintenant à sa furie quand je lui jouais à lui le tour suivant. Va de bon cœur, étant de garde au palais royal, emporta deux flambeaux de vermeil auxquels le duc d'Orléans tenait beaucoup. Rage de monseigneur! Depuis quelque temps, on volait au palais royal tout ce qui pouvait présenter quelque valeur. Le régent résolut de substituer sans rien dire à l'orfèvrerie d'argent celle en acier ciselé, et particulièrement pour les boucles et les poignées d'épée. Or, le premier jour qu'il emporta une de cette espèce, qu'il avait fait venir de Londres et qui lui coûtait tout de même 1500 livres, à cause de la beauté merveilleuse du travail, moi, Cartouche, je la lui volais à la sortie de l'opéra. Le lendemain, je lui renvoyais cette poignée d'acier en morceaux avec un petit billet. Tu vois, Adolphe, que je savais écrire. Charmant, dans lequel je plaisantais sur son avarice prétendue et lui reprochais, à lui, le plus grand voleur de France, de vouloir empêcher de vivre de malheureux confrères. Historique. Du reste, il faut que ce soit entendu une fois pour toutes, c'est une histoire historique. Il me répondit publiquement en proclamant qu'il était fort curieux de me connaître et qu'il donnerait de sa poche 20 000 livres à qui lui amènerait Cartouche. Le lendemain, comme il était venu en promenade à Saint-Germain et qu'il déjeunait au château, il trouvait sous sa serviette un mot dont voici à peu près les termes, mais dont voici sûrement le sens. « Monseigneur, vous pouvez me voir pour rien. Soyez cette nuit à minuit derrière le mur d'Anne d'Autriche, dans la forêt au lieu-dit Saint-Joseph. Cartouche vous y attendra. Vous êtes brave, venez seul. Si vous venez accompagné, vous courrez danger de mort. » À minuit, j'attendis le régent, et le 12e coup sonnait encore aux loges que le régent apparut. Il faisait un clair de lune de féerie, comme on en voit au théâtre. La forêt semblait dégager de toutes ses branches, de tous ses feuillages, de tous ses buissons une merveilleuse clarté bleue. « Me voici, Cartouche, dit le prince. Je viens à toi armé de ma seule épée, comme tu l'as voulu. Je cours peut-être les plus grands dangers, ajouta-t-il d'un clair accent railleur. Mais que ne risquerait-on pas pour voir de près, à minuit, au cœur d'une forêt, la figure de Cartouche, quand ça ne coûte rien ? Oh, Adolphe, mon ami, j'aurais voulu que tu fusses là pour m'entendre répondre au régent de France. Certes, je ne suis que le fils d'un pauvre tonnelier de la rue du Pont aux Choux, mais quel Condé, quel Montmorency se serait incliné avec plus de grâce, balayant l'herbe humide de la plume de son chapeau. Le duc de Richelieu lui-même n'aurait pas plus élégamment mis un genou en terre comme je le fis aussitôt, ni présenté de façon plus gracieuse à Monseigneur la bourse que je venais de lui prendre dans sa poche. « Je suis de Monseigneur, dis-je, le plus humble serviteur, et je le prie de reprendre à Cartouche cette bourse qu'il n'eut l'audace de dérober avec tant d'adresse que pour bien prouver à Monseigneur que Monseigneur se trouve bien en face de Cartouche. » Le régent me pria de conserver cette bourse pour l'amour de lui. Il eut le tort de raconter par la suite cette anecdote, car le bruit courut depuis qu'il faisait partie de ma bande. Je croyais qu'il allait s'en aller quand il me prit sous le bras et m'entraîna jusqu'à l'endroit même où nous sommes assis aujourd'hui.